Les petites histoires de Tell Me. Aujourd'hui, je vais vous parler du moulin hanté. Si le moulin de mon village s'appelle le moulin de Marie, c'est pour une bonne raison. Il y a très longtemps, Marie la Rouse, une pirate légendaire, le hantait. Personne n'arrivait à la déloger. Un jour, Pierre, un garçon de 7 ans, eut une idée et se rendit au moulin. Marie survit en poussant un hurlement terrifiant. Pierre ne bronça pas et lui dit sans trembler. Vous devez payer votre loyer. Les fantômes ne doivent rien à personne. L'air sévère, Pierre agita un morceau de parchemin. C'est pas ce que dit le code des fantômes. A jamais entendu parler d'une telle chose. Avez-vous déjà rencontré d'autres fantômes? Jamais. Bah, rien de plus normal alors. Lisez, si vous ne me croyez pas. C'est que je ne sais pas lire. Pierre lui lut très sérieusement les règles qu'il avait inventées. Marie le crut, et pour payer son loyer, lui révéla l'emplacement de son incroyable trésor. Pierre, tout épaté, le partagea avec tout son village et mentit en disant que c'était un cadeau de Marie. Les habitants le crurent et allèrent remercier la fantôme qui fut toute déboussolée car personne ne la fuyait plus. Marie cessa d'épouvanter et se mit à raconter ses aventures aux curieux. Et puis un jour, elle disparut. Alors, pour ne jamais l'oublier, les villageois remirent sur pied le moulin et le baptisèrent le moulin de Marie. Il était une fois un petit livre qui partait à la rencontre des grandes figures de la littérature. Ce mois-ci, nos héros ont rendez-vous avec Sherlock Holmes. Un monstre géant terrorise la ville de Londres. Paloma, Enzo et leur chien Pipou résoudront-ils ce mystère? Élémentaire, mon cher lecteur. Toute l'année dans le Happy Meal, retrouvez une collection de livres pour enfants écrits par Catherine Pancol et illustrés par Lespelli pour partager ensemble une histoire incroyable. Durée limitée, un livre ou un jouet par Happy Meal. Voir le livre du moment en restaurant.